Chak chap la gen pwa payo, chak eglise gen prèt payo, chak mezon gen moun payo, chak tafiyate gen tafiya payo. Tout chap la gen men pale piye, tout l'eglise a preche le kris, tout mezon fèt pou kouche doni, tout tafiyate a preche. Yeah.